إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc alhamdulillah au cours passé on a expliqué la partie de la aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab au sujet de la question de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il a expliqué qu'il croit que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est révélée et qui est incréée, c'est-à-dire elle n'est pas créée. Et donc on a parlé de ça et on a expliqué les groupes qui ont dévié à ce sujet-là, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, hein, puis on a expliqué la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a à ce sujet. Et on continue encore maintenant dans ce sujet encore pour rajouter quelques petits points et quelques détails à ce sujet-là pour que ce soit encore plus compris, bien compris et plus clair encore. Donc le Cheikh il dit « Minhu bada wa ilayhi ya'ud wa annahu takallama bihi haqiqatan » Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit donc qu'il croit que le Coran c'est la parole d'Allah et qu'elle est révélée et qu'elle n'est pas créée. Et puis ensuite il dit c'est de lui qu'il vient, le Coran, et c'est vers lui qu'il va retourner. Et il a parlé ce Coran-là réellement. Ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a réellement prononcé, il l'a réellement parlé. Ok? Et il explique, le chef Saleh al-Fawzan, rahimahullah, il explique maintenant cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit « قوله منه بدأ » يعني « نزل من الله جل وعلا » حيث تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته فهو كلام الله حقيقة لا مجازا أما قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني جبريل عليه السلام وقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم البشري الرسول البشري تارة وإلى الرسول الملكي تارة وأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى تارة فيقال الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا أما إضافته إلى جبريل أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهي إضافة تبليغ ولا يمكن للقول الواحد أن يقوله عدة قائلين أبدا فدل على أنه كلام الله ولو أضافه إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا ولا إلى من قاله مبلغا مؤديا فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتعلقون بها. Donc le sheikh صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله. Mais des fois on dit حفظه الله pour les vivants, hein, que Allah le préserve, le garde, et رحمه الله pour les ulama qui sont morts, que Allah leur fasse miséricorde. Et il y a des ulama qui ont expliqué que tu peux aussi dire rahimahullah à quelqu'un même s'il est encore vivant. parmi les musulmans, ça ne dérange pas. Sauf que, qu'est-ce qui est plus utilisé, qu'est-ce qui est plus connu, qu'est-ce que les gens disent le plus souvent, c'est « Rahimahullah » pour ceux qui sont décédés et « Hafizahullah » pour ceux qui sont vivants. Mais comme j'ai expliqué, comme les ulama ont expliqué, hein, tu peux dire les deux, pour les vivants ou pour les morts, ça ne dérange pas. Ok. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « Minhu bada », c'est-à-dire le Coran, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est devenu, qu'il est venu, il est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala au tout début. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vient. C'est Allah qui a parlé cette parole-là en premier. La parole d'Allah, c'est-à-dire quand on parle du Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a parlé le premier. D'accord? Il est révélé, ce Coran il est révélé, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a parlé en premier. Et c'est sa parole réelle. Et Jibril, alayhi salam, il a entendu directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il est descendu avec cette révélation-là vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis à sa ummah. Donc, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Et ce n'est pas symboliquement ou allégoriquement qu'on dit que c'est la parole d'Allah. On dit que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dicté cette parole à Jibril alayhi salam, et Jibril il est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dicté tel qu'il l'a entendu de Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il l'a dicté aux sahaba tel qu'il l'a entendu de Jibril, et nous on le récite aujourd'hui tel qu'il a été révélé, hein, tel qu'il a été révélé. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, réellement. Et lorsque tu lis dans le Coran les versets, par exemple, 19 et 20 dans le Coran, ceci, le Coran est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Ça, c'est les versets 19 et 20 dans Surat al-Takwir. Hein, ça, on parle dans ce verset-là de Jibril, alayhi salam. On parle de Jibril. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Et il y a un autre, également d'autres versets, comme le verset 40 et 41 dans Surat Al-Haqqah, où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le Coran également comme étant la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le verset 40 et 41. Ceci, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ça, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh Fawzan, il explique, il dit que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala attribue ce Coran aux messagers parmi les hommes, et parfois il attribue ce Coran, cette parole, à son messager ange, et parfois il l'attribue à lui-même comme étant sa parole à lui. Donc qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là? Parce que ça c'est une shubha que les Asha'ira et que les autres Mubtadi'a utilisent pour dire ça c'est, hein, pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que c'est la parole de Jibril, ou ils disent que c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il répond, il dit en réalité, on attribue la parole à celui qui l'a dit le premier. Celui qui l'a dicté en premier, cette parole-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, donc on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand elle est attribuée à Jibril ou au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement dans le sens de la transmission de cette parole, et non pas que c'est leur parole à eux. Hein? Donc, le cheikh il dit qu'il n'est pas possible qu'une seule parole vienne de différentes personnes. Elle ne peut pas venir de différentes personnes, il faut qu'elle vienne de celui qui l'a dictée en premier. D'accord? Donc, on attribue cette parole-là à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que ceux qui ont transmis la parole d'Allah, c'est Jibril alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça donc que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, comme par exemple, innahu la qawlu rasulin karim, c'est la parole d'un noble messager, dans le sens que c'est ce messager-là qui l'a transmis, et non pas dans le sens que c'est lui qui l'a dit à l'origine. Hein, c'est juste qu'il l'a transmis. Celui qui a dit cette parole-là en premier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et le messager n'est qu'un transmetteur de la parole. Et donc ça c'est la réfutation et la réponse à cette shubha auquel ces gens-là s'accrochent pour essayer de mettre des doutes. Parce que si vous regardez dans les livres des Asha'ira, hein, quand ils enseignent leur aqidah, ils disent que le Coran qu'on récite et qu'on lit et qu'on entend quand on fait la prière, ils disent que ça c'est créé. Le Coran qui n'est, eux ils disent le Coran qui n'est pas créé, c'est la parole qui est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole éternelle qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, ainsi de suite, comme ils le définissent. Elle n'a pas de voix, elle n'a pas de lettre. Ça c'est la façon comment ils imaginent la parole d'Allah. Puis ils disent l'autre parole d'Allah, c'est celle qui est créée, c'est celle qu'on récite et c'est celle qu'on lit et qu'on entend quand on entend quelqu'un réciter le Coran. Et ça, bien entendu, c'est une bid'a qu'ils ont inventée de diviser la parole en deux, al-lafz et al-ma'na. Ils disent que al-lafz, les mots qu'on entend, qu'on prononce, ça c'est créé. Puis al-ma'na, la signification, ça c'est la parole d'Allah qui est incréée, qui est en Allah. Et bien entendu, ça c'est une division qui est fausse. Donc eux ils disent que le Coran qu'on a aujourd'hui, qu'on récite, ça c'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, Allah l'a créé dans l'état de préserver et Jibril il est venu et il l'a exprimé dans ses propres mots. Ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu et il l'a dit dans ses propres mots. Donc ils ne croient pas que c'est réellement la parole d'Allah. Sauf qu'ils disent, il faut faire attention, dans leur livre tu trouves ça. Comme par exemple le Sharh de Al-Laqani, quand il explique Jawharat al-Tawhid, ça c'est un livre des Asha'ira, quand ils expliquent leur aqidah là-dedans, ils disent, il ne faut pas dire aux gens que le Coran est créé, parce que sinon ils vont penser que c'est la parole qui est la signification qui est en Allah qui est créée, et ça c'est pas correct. Donc ils disent, il ne faut pas dire que le Coran est créé, il faut juste le dire quand on est en train d'enseigner. Si tu es en train d'enseigner aux élèves l'aqidah ash'ariya, là tu leur dis que le Coran est créé, puis tu leur expliques. Mais devant les gens, dis-le pas. C'est comme ça qu'ils enseignent dans leur livre. Hein? La yuqal illa fi maqam al-ta'lim. C'est ça qu'ils disent dans leur livre. Tu dois juste dire ça quand tu enseignes que le Coran est créé. Mais dans les temps en temps normal, quand tu parles aux gens, dis-leur pas ça. C'est normal. Parce que tous les imams de l'islam ont dit, celui qui dit que la parole d'Allah est créée, il est kafir. Hein? Donc ils veulent pas que cette parole-là s'applique à eux, donc ils cachent ce qu'ils pensent vraiment et ce qu'ils croient vraiment. Et ils disent que c'est la parole de... Et les Ahbash, c'est ça qu'ils disent. Hein? Les Ahbash, ils sont sur cette aqidah des Asha'ira. Ils disent que le Coran c'est la parole de Jibril, ou que c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, وَقَوْلُهُ وَإِلَيْهِ يَعُودُ. C'est-à-dire, c'est à lui qu'elle retourne. Juste avant de passer à ce point-là, c'est que, juste pour vous faire comprendre, je vous donne un exemple, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est que si, par exemple, je dicte à Ismaïl un message, je lui donne un stylo avec une feuille, puis je lui dis, écris ce que je te dis. Et là, il écrit. Bon, moi, Suleyman, j'envoie ce message à ceux qui sont responsables de telle place. Ils devraient s'occuper de telle chose. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, Ismaïl, il écrit ça. Et là, il s'en va à la personne concernée. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et puis, il lui lit ma lettre. Est-ce que la lettre qu'il est en train de lire, est-ce que c'est sa parole d'Ismaïl ou que c'est ma parole à moi? Il lit ma parole à moi. Et non pas la parole de, c'est pas sa parole à lui, c'est ma parole à moi. Eh ben, le Coran, c'est la même chose. Même si toi tu le, même si Jibril le récite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récite aux Sahaba, et que les Sahaba le récitent aux Tabi'in, et que les Tabi'in le récitent aux Tabi'in, ainsi de suite, ça reste toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui a envoyé le message au début, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça reste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas la parole de la créature. Donc, ça c'est très important de comprendre. Ensuite, le cheikh il dit wa qawluhu wa ilayhi ya'ud isharatun ila ma yakunu fi akhir az-zaman hinama yurfa'u al-Qur'an wa ya'khudh min suwar ar-rijal wa yu'khadhu min sudur ar-rijal wa min al-masahif wa la yabqa minhu athar wa dhalika min alamat as-sa'ah فكما انه نزل منه فانه يرفع في اخر الزمان ويعود اليه سبحانه وتعالى ولا يبقى في الارض قران donc le cheikh dit wa ilayhi ya'ud, c'est-à-dire le Coran il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est vers lui qu'il retourne à la fin des temps, dans le sens qu'à la fin des temps le Coran va être ramené vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va reprendre tout le Coran vers lui. C'est-à-dire tout ce que les gens ont mémorisé du Coran dans leur cœur, ou qu'est-ce qui est dans le mushaf, dans les livres, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître et Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre tout ça. Et ça, ça fait partie des signes du jugement dernier. Il ne restera plus aucune trace du Coran sur la terre. Et donc le chien, il dit, comme il a été révélé, il va être enlevé également à la fin des temps. Et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'il retourne ce Coran. Donc il ne restera plus rien du Coran sur terre. Et ça c'est rapporté dans Sunan Sa'id ibn Mansour. Le Cheikh dit ensuite wa qawluhu takallama bihi haqiqatan. هذا رد على الذين على الذين يقولون انه تكلم به مجازا فإضافته إلى الله من باب المجاز لأنه هو الذي خلقه فيضاف إليه مجازا وليس هو المعنى القائم في نفسه كما تقوله الأشاعرة وليس هو مخلوقا كما تقوله الجهمية وإنما تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل وتحمله عن الله جل وعلا وبلغه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله جل وعلا هذا سند القرآن كما قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أبين وهذا كله في جبريل ثم قال وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون كما تقوله الكفار ولقد رآه أي رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقة الملكية بالأفق المبين رأى جبريل وهو في الأفق على صورته في بطحاء مكة ورآه مرة أخرى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته الملكية مرتين وفيما عدا ذلك يأتي إليه بصورة إنسان ويراه الصحابة على صورة إنسان ويظنون أنه من البشر وأنه وافد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. OK. Donc le cheikh explique ici que le cheikh Fawzan explique la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab quand il dit تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est celui qui a réellement dicté le Coran et qui l'a parlé, cette parole-là c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dicté réellement, et c'est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est une réfutation, le cheikh dit que c'est une réfutation de ceux qui disent que c'est pas réellement la parole d'Allah, c'est juste symbolique ou allégorique, parce qu'ils disent que cette parole est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement dans le sens symbolique, parce qu'ils disent qu'en réalité c'est une parole qui est créée et on lui attribue symboliquement, c'est pas réel, c'est pas réellement sa parole. Donc ils disent qu'il a créé la parole, et qu'il a créé la parole par exemple dans le vin, dans l'air, dans le buisson, ou quelque chose comme ça, et puis que c'est ça que les gens ont entendu, c'était pas la parole d'Allah réellement. Et le cheikh il dit donc que le Coran, ou bien il y en a d'autres qui disent que le Coran c'est la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les Ash'a'ira. Ils disent que le Coran, le vrai, c'est la signification qui est en Allah et non pas qu'est-ce qu'on récite. Donc le cheikh il dit ça, c'est une réfutation dans cette parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab quand il dit que non, c'est pas la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. Le Coran c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dicté à Jibril et qui a été transmis, alaykoum salam wa rahmatullah, qu'est-ce qui a été transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce qu'on entend yani, comme récitation, ainsi de suite. Ensuite, le cheikh dit « وَلَيْسَ مَخْلُوقًا كَمَا تَقُولُهُ الْجَهْمِيَّةِ » Et ce n'est pas une création non plus, contrairement à ce que disent les Jahmiyyah. Les Jahmiyyah, ils disent que le Coran est créé, donc ce n'est pas une création non plus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dicté cette parole et qui a parlé cette parole réellement, et Jibril l'a entendu directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il l'a ramené d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a transmis cette parole au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran, il est venu d'Allah, puis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu de Jibril, et Jibril l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la chaîne de transmission du Coran. Hein, du prophète Muhammad sallallahu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu de Jibril, et Jibril l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la chaîne de transmission. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. Donc ça c'est à propos de Jibril, comme on a dit tout à l'heure dans sourate At-Takwir. Puis ensuite le cheikh il dit وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ, c'est-à-dire, et votre compagnon, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est certes pas fou, hein, contrairement à ce que disent les koufars, voilà pas ra'ahu, il a certes vu, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réellement vu Jibril dans son apparence réelle d'ange à deux reprises, bil ufuqil mubin, c'est-à-dire à l'horizon, il l'a vu à l'horizon dans sa réelle apparence d'ange. Et il l'a revu également une deuxième fois lors de la nuit de l'ascension, du voyage nocturne. Il l'a vu lors de l'ascension, Laylat al-Mi'raj, lorsqu'il est monté au septième cieux, lorsqu'il était près d'un arbre qu'on appelle Sidrat al-Muntaha. Il l'a vu encore une fois, comme c'est mentionné dans le verset 13 de Surat al-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Donc près de cet arbre, il l'a vu lors de la nuit de le voyage nocturne lorsqu'il est monté au septième cieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans sa vraie apparence d'ange à deux reprises. Puis par la suite, les autres fois qu'il l'a vu, c'était en apparence humaine. Et les sahaba aussi l'ont vu dans une apparence humaine aussi. Et ils croyaient que c'était un être humain. Alors, lorsqu'il était venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Jibril, qui est très célèbre. Naam. Allahu a'lam. C'est les autres prophètes ont vu les anges dans leur vraie apparence d'ange avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je peux pas dire, je sais pas, je suis pas au courant de ça, mais une chose est certaine, ils ont vu les anges dans l'apparence humaine aussi, il y a beaucoup d'exemples de comme Ibrahim alayhi salam, il y a des anges qui sont venus à lui pour lui annoncer des choses en forme humaine. Il y a aussi Lot, le prophète Lot alayhi salam, qui a vu des anges également en apparence humaine, et il y a d'autres aussi. Mais est-ce qu'il y en a d'autres parmi les prophètes qui ont vu les anges en tant que anges réellement dans leur vraie apparence? Allahu a'lam, je ne sais pas. Ensuite, le cheikh il dit wa anzalahu ala 'abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safirihi baynahu wa bayna 'ibadihi nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il explique ensuite que Allah a révélé le Coran sur son serviteur et son messager et le celui qui est fiable dans la transmission de sa révélation et son ambassadeur entre les hommes et lui, c'est-à-dire entre Allah et les hommes, c'est-à-dire notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est lui qui a reçu cette transmission et cette révélation. Donc le cheikh explique chaque point de cette phrase. Il dit que lorsque le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit anzalahu ala abdihi wa rasulihi, il l'a révélé à son serviteur et son messager. Il dit huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluhu. عبده هذا رد على الذين يهلون في محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيئا من الإلهية فهو عبد وليس معبودا ورسوله فهذا رد على الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهم على طرفي نقيض طائفة غلت فيه ورفعته إلى مقام الألوهية وطائفة فرطت في حقه وجحدت رسالته فنحن نقر بالأمرين أنه عبد وأنه رسول. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce Coran à son serviteur et messager. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit son serviteur, son esclave, c'est une réputation pour ceux qui exagèrent au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui lui donnent une part de la divinité. Hein? Donc il est un serviteur, il n'est pas digne d'être adoré. Parce que c'est uniquement Allah qui mérite l'adoration. Donc il ne mérite pas d'être adoré. Et donc, ça c'est pour répondre à ceux qui exagèrent à son sujet et qui le prennent pour un objet d'adoration, qu'il l'adore en dehors d'Allah. Et l'autre partie, wa rasulihi, ça c'est pour répondre à ceux qui nient qu'il a reçu une révélation divine et qu'il a un message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les deux extrêmes. Et lorsqu'on dit ala abdihi wa rasulihi, c'est pour répondre à ces deux groupes-là qui ont exagéré à son sujet. Hein, le premier qui l'a élevé, qui ont fait de lui un dieu, et le deuxième qui lui ont nié le message et la prophétie qu'il a reçu. Donc nous on croit en ces deux choses-là, qu'il est abd et qu'il est rasoul, qu'il est un serviteur, esclave et qu'il est messager. Qawluhu wa aminihi ala wahyihi, al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, amin. ولم يزد في القرآن ولم ينقص بل بلغه كما جاءه عن الله سبحانه وتعالى عز وجل وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولو تقول محمد صلى الله عليه وسلم على الله ونسب إليه ما لم يقل لأهلكه الله سبحانه وتعالى فهذا فيه تزكية فهذا فيه تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وأنه بلغ البلاغ المبين فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى أمين على الوحي ولهذا لما قسم الصدقة تكلم من تكلم من المنافقين وقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ألا تأمنوني على قسم الصدقات وأنا أمين من في السماء وهو الله على الوحي. Donc le cheikh il dit ici que par la suite le cheikh il dit que il est amin aminu aminuhu wa aminihi ala wahyihi. Al-amin, c'est-à-dire celui qui est fiable, qui est honnête, qui transmet les choses de façon fiable. Donc il est celui qui est le fiable dans la transmission de son message. Et donc le messager, il est quelqu'un de fiable et d'honnête, hein, et il ne rajoute rien au Coran et il n'enlève rien. Hein. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils parlent de l'islam, ils enlèvent des choses et ils rajoutent des choses, hein, parce qu'ils pensent qu'ils sont, ils ont peur des jugements, qu'est-ce que les coupables vont dire, ou qu'est-ce que les gens vont dire. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien caché. Tout ce que Allah lui ordonne de transmettre, il le transmet. Et tout ce qui, il ne rajoute rien de lui-même. Il transmet la révélation telle qu'elle a été donnée. Et il ne fait que la transmettre telle qu'elle est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, notre devoir, en tant que musulmans, en tant que personne qui étudiant l'islam, en tant que personne qui voulant faire la da'wah à l'islam, notre devoir c'est de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de commencer à essayer de rajouter des choses ou d'enlever des choses selon notre propre raison ou notre propre passion. Donc le cheikh il dit que Allah l'a transmis tel qu'il l'a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne les versets 44 et 45 dans sourate Al-Haqqa, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'il avait inventé à notre sujet quelques paroles, nous l'aurions pris par la main droite. Summa laqata'na minhu al-watin. Et on lui aurait tranché la horte. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait fait pérer si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait essayé d'inventer ou de lui attribuer une parole qu'il n'avait pas dit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait fait périr sur le champ. Oui, ça c'est dans le Coran. Donc, ça c'est pour dire que c'est une tazkiya, c'est un genre d'approbation, de certificat, comme de preuve que Allah est en train de dire à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire cet homme-là, il est fiable et il a bien transmis son message. Donc, il faut accepter ce qu'il dit. Il est un transmetteur honnête et fiable. Et même les mouchriquins, ils savaient qu'il était amin, qu'il était fiable. Parce que, avant l'islam, ils retournaient toujours vers lui parce qu'ils savaient qu'il ne mentait pas. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait même à Quraysh parfois, il disait, si je vous dis qu'il y a une armée qui vient derrière la montagne ici, qui veulent vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? Il a dit oui. Les gens, ils ont dit oui, on va te croire. Donc c'est pour te dire que Allah il dit, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est pas toi qui traites de menteur, mais c'est qu'il nie les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité. C'est pas toi qui traites de menteur. Toi, ils savent que ce que tu dis, c'est vrai. Que c'est pas une personne qui ment. Mais même s'ils savent que c'est la vérité, ils veulent pas l'accepter. Parce que c'est la vérité qu'ils n'aiment pas. C'est pas parce que c'est toi. Peu importe qui viendrait avec cette parole-là, ils l'accepteraient pas. Parce qu'ils ne veulent pas l'accepter en tant que, parce que c'est la vérité. Donc, le cheikh, il dit, فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى امين على الوحي. Donc il est transmetteur de la parole d'Allah et il est amin, il est fiable dans la transmission de la révélation. Et lorsque il a distribué à un moment donné, il a distribué les butins, ok, et il y a des munafiqins qui ont commencé à critiquer sa manière de distribuer les sadaqat, les charités et tout, l'argent et tout. Donc, il y en a un qui a dit, ô messager d'Allah, tu n'as pas été juste dans ta transmission. Et le prophète, pas dans ta transmission, mais dans ta distribution et dans ta division des biens. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rapporté selon Abi Sa'id al-Khudri, il a dit, est-ce que tu vas pas me faire confiance à moi alors que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est dans les cieux, lui, il me fait confiance. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Celui qui est dans les cieux, je suis fiable pour lui. Alors, comment vous n'allez pas me faire confiance et croire que je suis une personne fiable, alors que Allah qui est dans les cieux, lui, il me fait confiance et il sait que je suis fiable dans la transmission de sa révélation et dans l'application de sa religion. Donc c'est pour dire, déjà là-dedans il y a une preuve de l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, qu'il est en haut. Donc ça c'est la preuve de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit clairement, wa ana aminu man fis sama, je suis fiable par rapport à celui qui est dans les cieux, il me fait confiance. Donc il y a la réponse aux Asha'ira et aux Jahmiya là-dedans qui nient que Allah est dans les cieux. Et il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que on me fait confiance et je suis quelqu'un qui a de la fiabilité dans la transmission de la révélation. قوله وسفيره بينه وبين عباده السفير هو الرسول صلى الله عليه وسلم donc فالرسول سفير بين الله وبين عباده لتبليغ الرسالة أرسله الله سبحانه وتعالى ليبلغ رسالات الله عز وجل donc le cheikh il dit que il est également il explique la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab quand il dit qu'il est l'ambassadeur entre Allah et ses serviteurs. Un safir, en arabe, c'est l'ambassadeur, on traduit, mais ça veut dire aussi le messager, celui qui est envoyé comme messager, ambassadeur. Et donc, le messager, c'est l'ambassadeur entre Allah et ses créatures, et il vient transmettre la révélation. Ok. أرسله الله سبحانه وتعالى ليبلغ الرسالة. سبحان الله. Une fois, je me souviens de. Il y avait un chrétien protestant dans ma classe. Et puis un jour, il m'a amené un livre sur l'islam. Et puis dans ce livre-là, il y avait un endroit où ça parlait des autres religions. Et il m'avait donné ce livre-là pour. Comme si pour me montrer que le christianisme c'est meilleur que l'islam. Alors il montre ce livre-là, puis dans le livre tu vois différentes religions, et là ils ont mis les noms des différentes religions, par exemple hindouisme, bouddhisme, islam, christianisme, des autres religions comme ça. Et puis après ils ont mis des flèches vers le haut, ils ont dit toutes ces religions-là c'est des efforts de l'homme vers Dieu. Puis après, quand ils ont mis le christianisme, ils ont mis une flèche qui part d'en haut, qui descend vers le bas. Et ça, c'est la religion qui n'est pas un effort de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers l'homme. Hein? Et puis, quand j'ai réfléchi à ça par la suite, j'ai dit, mais en fait, c'est faux, puisque les messagers, ils viennent transmettre la révélation d'Allah, c'est pas un effort de l'homme vers Dieu. Dans ce sens-là, puisque ce n'est pas eux qui ont inventé cette révélation-là, c'est Allah qui leur donne. Hein. Donc c'est la transmission d'Allah, la transmission qui vient du message qui vient d'Allah. Tandis que peut-être, oui, dans certaines autres religions comme le bouddhisme ou d'autres religions ou d'autres philosophies, des gens ils essaient de découvrir Dieu par eux-mêmes, par leurs propres efforts, ou comme des gens qui inventent des fausses voies, des voies d'égarement. Ils essaient de trouver Dieu par eux-mêmes, mais contrairement à ce que ce livre de ce chrétien-là prétendait, c'est pas vrai que c'est juste une question d'un homme qui fait un effort vers Dieu, non, c'est aussi Dieu qui donne la transmission du message. Et ça répond aussi à ceux qui disent que dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et bien, c'est parce qu'en réalité, il y a deux sortes d'intermédiaires, comme on l'a expliqué. Il y a l'intermédiaire de l'homme quand il se dirige vers Dieu. Dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire de ce sens-là. Et si quelqu'un affirme un intermédiaire dans l'adoration quand il veut se diriger à Dieu, là, dans ce cas-là, il fait le shirk, parce qu'il veut passer par une créature pour aller à Dieu. Ça, il n'y en a pas d'intermédiaire. Mais dans l'autre sens, quand Dieu s'adresse à l'homme, oui, il y a un intermédiaire, et c'est l'intermédiaire du messager. Il est l'intermédiaire de celui qui nous amène la révélation. Et de ceux qui nous transmettent la science aussi de cette religion-là. Donc dans ce sens-là, oui, il y a un intermédiaire. Mais dans le sens, quand c'est dans le sens de Dieu vers l'homme, lorsqu'il s'adresse aux êtres humains. Mais dans l'autre sens, de l'homme vers Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc ça, c'est pour réfuter les laïcs qui répètent toujours, « Ah, mais dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, donc tout le monde est libre, tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde peut penser comme il veut, et dire ce qu'il veut, et interpréter l'islam à sa propre façon, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. » Qui a dit ça? Allah, il a révélé sa révélation à des messagers, et elle a été transmise par les sahaba et les savants de l'islam à travers les siècles, pour qu'on puisse comprendre sa religion et l'appliquer comme il faut, et non pas chacun fait sa propre interprétation de l'islam. Donc, ça c'est qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour transmettre la révélation des messages d'Allah à l'humanité. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il rentre dans un autre sujet maintenant. Il a terminé de parler de cette question qui a rapport avec la parole d'Allah et le Coran et les attributs d'Allah. Maintenant, il entre dans la question qui est reliée à Al-Qadar, à la prédestination et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh dit وَأُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ فَعَّلٌ بِمَا يُرِيدُ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِرَادَتِهِ وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ فِي الْعَالَمِ يخرج عن تقديره ولا يستر إلا عن تدبيره. Donc le cheikh explique, il dit que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il dit, je crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui fait ce qu'il veut. Hein, il fait ce qu'il veut. Et il y a rien qui peut arriver excepté par sa volonté. Et il y a rien dans l'univers qui sort de sa volonté. Et il n'y a rien dans le monde qui sort de sa prédestination et de ce qu'il a prédéterminé. Voilà, yasur illa an tadbiri. Et tout ce qui se produit, c'est uniquement selon la façon dont il l'a organisé et dont la façon dont il l'a régi. C'est lui qui s'en occupe. D'accord? Tout ce qui se passe, c'est lui qui s'en occupe, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, الشيخ الفوزان يلسلك سباساج يزي انتهى الشيخ رحمه الله عن مسألة الكلام وبين عقيدته فيها وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة وأنه يتبرأ من عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين خاضوا في كلام الله وقالوا مقالات شنيعة ومن مقالة الكفار الذين قالوا إن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترع هذا القرآن وجاء به ونسبه إلى الله عز وجل. هذه مقالة الكفار. ولهذا يقول الوليد ابن المغيرة إن هذا إلا قول البشر. إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى مخبرا عنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. يعني أن القرآن قول محمد ولم يقله الله سبحانه وتعالى. فالجهمية شابهوا الكفار في هذا وقالوا إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو قول محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, le cheikh explique ici, il dit, on a fini de parler de la question de la parole d'Allah, et on a clarifié la aqida du cheikh à ce sujet-là. Et le cheikh a expliqué que ça c'est la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et il a montré qu'il s'est désavoué des fausses croyances des Jahmiyyah, des Mu'tazila et des Asha'ira qui ont voulu disputer et patauger dans la question de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont dit des mauvaises paroles, des paroles laides au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également ils se désavouent de la parole des kuffars. Les kuffars qui disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé lui-même le Coran. Ça c'est la parole des kuffars. Les juifs et les chrétiens, ils disent ça. Les juifs et les chrétiens, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a copié la Bible des chrétiens et des juifs. Ça, c'est leur croyance. Donc, imaginez. Et puis après, tu vois des musulmans qui disent que ce sont nos frères. Hein? Donc, ça c'est incroyable. Donc, ils disent ça. Et le cheikh, comme ils ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a inventé lui-même le Coran et il l'a attribué à Allah. Et donc, il dit ça, c'est la parole des kuffars, comme Al-Walid ibn al-Mughira, un des mushrikins. Il disait, ce n'est que la parole d'un homme. Hein, comme c'est mentionné dans Surat al-Muddathir. Hein, dans le tafsir, vous voyez que ça, c'est Al-Mughira, Al-Walid ibn al-Mughira, qui a dit cette parole-là, qui a dit que c'était la parole d'un homme. Donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 18 à 25, dans Surat al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça. Il dit, il a réfléchi et a décidé, qu'il périsse comme il a décidé, Encore une fois, qu'il périsse, comme il a décidé. Ensuite, il a regardé. Et il s'est renfrogné et a durci son visage. Puis ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci, le Coran, n'est qu'une magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Hein? Donc ça, c'est la parole de Al-Mughira. Il disait que c'est la parole d'un humain. Yani, le Coran, c'est pas Allah qui l'a dit. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, puis il l'a attribué à Dieu. Donc le cheikh, il dit que la parole des Jahmiyyah, elle ressemble exactement à la parole des Kuffar. Hein? Parce que les Jahmiyyah, ils disent la même chose qu'eux. Que le Coran, c'est pas la parole d'Allah, mais c'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, après, le cheikh, il explique la citation du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au sujet de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses actions. Donc il dit وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ فَعَلُ لِمَا يُرِيدُ. Il dit je crois que Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. Donc il fait ce qu'il veut. وَهَذِي مَسَلَةُ الْأُخْرَى. Et ça c'est un autre exemple. Une autre question qui a rapport avec la foi, qui a rapport avec la question de l'aqida. Et c'est-à-dire, comme le cheikh dit, « هذه مسألة أخرى وهي الإيمان بأفعال الله جل وعلا له أسماء وله صفات وله أفعال وله إرادة ومشيئة فعال لما يريد يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر هذه أفعال الله جل وعلا وهي بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى فعال لما يريد إن الله يفعل ما يشاء ولكن الله يفعل ما يريد يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ها؟ وقوله donc on va expliquer cette partie là. Donc le cheikh il dit il fait ce qu'il veut. C'est une autre question qui est reliée à la foi en les actions d'Allah, parce qu'Allah on a expliqué qu'il a des noms, on a expliqué qu'il a des attributs, et on a expliqué qu'il a des actions aussi. Donc il a des noms, il a des attributs. Parmi ces attributs, il a des attributs qu'on appelle dhatiyya, des attributs qui font partie de son être, hein, qui sont des attributs de son être, comme son visage, ses mains, ses yeux, hein, ça c'est des attributs de son être. Puis il y a des attributs qui sont des attributs de ses actions, hein, c'est-à-dire comme par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il parle quand il veut, il s'élève au-delà de son trône, le fait qu'il descend au dernier tiers de la nuit, au dernier cieux, hein, le fait qu'il crée, hein, le fait qu'il donne le risque, hein, tout ça c'est des actions que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Et il les fait selon sa volonté. Il les fait selon sa volonté, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait vivre et il fait mourir et il dirige toutes les choses dans l'univers, ça, ça fait partie de ses actions. Et il a une volonté. Et il y a bon, en arabe, il y a deux mots qui expriment le terme volonté. Il y a le terme irada et il y a le terme mashi'a. Le terme irada, il peut avoir deux significations, comme on l'a expliqué dans d'autres cours. Il y a l'irada al-kawniya ou l'irada al-shar'iya. Et il y a al-mashi'a, c'est la volonté absolue. C'est-à-dire, c'est équivalent à l'irada al-kawniya. D'accord? Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut et il fait ses actions quand il veut aussi. Ses actions sont selon sa volonté. Ses actions, les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont selon sa volonté. Donc il mentionne les versets 16 dans sourate Al-Buruj, fa'alu lima yurid. Il mentionne le verset 18 dans sourate Al-Hajj, inna Allah yaf'alu ma yasha, Allah fait ce qu'il veut. Hein? Et puis, il mentionne également le verset 253 dans Sourate Al-Baqarah. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. يَفْعَلُ مَا يَشَى وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Il fait ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. En fait, يَشَى et يُرِيد, ça veut dire la même chose, ok? Sauf que, en arabe, c'est deux mots différents, puis ils ont une implication différente. C'est que, je vais pas expliquer ça tout de suite, parce que plus loin, le cheikh il va en parler de la distinction entre Al-Irada et Al-Mashi'a, et on va comprendre les deux. la différence entre les deux, mais pour l'instant, juste comprendre que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par la volonté d'Allah, et il fait, Allah fait ce qu'il veut. وَقَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ فِي وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِرَادَتِهِ مَا يَكُونُ فِي هَذَا الْكَوْنِ فَهُوَ مِنْ خَلْقِهِ وَإِيجَادِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبِمَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ لَا يَكُونُ فِي هَذَا الْكَوْنِ شَيْءٌ إِلَّا لَا يَكُونُ فِي هَذَا الْكَوْنِ شَيْءٌ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ أَوْ بِغَيْرِ خَلْقِهِ أَوْ أَنَّ أَحَدًا يَخْلُقُ مَعَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وإن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوها مستقلين عن الله جل وعلا وليس لله فيها إرادة ولا مشيئة فنحن نؤمن بأن أفعال العباد هي خلق الله وهي كسب العباد قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون أي والله خلق ما تعملون وخلق ما تعملون donc le chef il dit il n'y a rien dans l'univers excepté que c'est par sa volonté c'est à dire que tout ce qui existe dans le monde dans l'univers c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé ok c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé selon sa volonté et il n'y a rien qui sort de sa volonté Il n'y a rien qui existe dans cet univers-là qui est en dehors de sa volonté ou qui est en dehors de ce qu'il a créé. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé et c'est Allah qui l'a voulu. Donc il ne faut pas penser que quelqu'un peut créer avec Allah ou en dehors d'Allah. Okay? Et donc ça, c'est une réfutation des Mu'tazila. Les Mu'tazila al-Qadariya. Ceux qui disent que l'être humain, il crée lui-même ses actions. Indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas les actions des êtres humains. Hein, et des serviteurs. Ils disent que les êtres humains créent eux-mêmes leurs actions indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, laisse lillahi fiha irada wa la mashi'a. C'est-à-dire que, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas lui qui crée les actions des êtres humains, et puis la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'influence dans les actions des êtres humains. Donc, le cheikh il dit, nous, on croit que les actions des êtres humains, c'est Allah qui les a créées. Et c'est une acquisition de l'homme également. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 96, dans surat As-Saffat, والله خلقكم وما تعملون الله vous a créé et ce que vous faites donc tout ce qu'on fait c'est Allah qui le crée également et il crée nos actions il a créé nos actions également d'accord donc tout ce qu'on fait c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé et qui l'a voulu et qui l'a prédestiné après le cheikh il dit donc ça réfute les idées des Mu'tazila les Mu'tazila ils pensent que Allah C'est pas lui qui nous a prédestinés, qu'est-ce qui nous arrive. On fait nous-mêmes, indépendamment de Allah, indépendamment de la prédestination, de la volonté, ou de la pouvoir, ou de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas limité par le pouvoir d'Allah. On n'est pas limité par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire quelque chose qui va contre la volonté d'Allah, qui va contre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont affirmé de plusieurs créateurs. C'est-à-dire qu'ils croient que les êtres humains créent eux-mêmes leurs actions. Et ça, c'est, bien entendu, c'est un blasphème contre Allah. Ensuite, le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مَشِيئَتِهِ Il n'y a rien qui sort de sa volonté. وَهَذَا فِي هَذَا الْكَوْنِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثْ شَيْءٍ مِنْ كُفْرٍ أَوْ إِيمَانٍ أَوْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ غِنًا أَوْ فَقْرٍ أَوْ حَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ أو رزق إلا بمشيئته سبحانه وتعالى ومشيئته شاملة وإرادته شاملة وكل شيء بإرادته ومشيئته لا كما تقوله المعتزلة إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا وليس لله فيها أي تدخل لكونهم هم الذين يخلقون أفعالهم فيصفون الله جل وعلا بالعجز ويعطلونه عن الخلق والفعل ويجعلونه معه خالقا غيره وعلى نقيدهم الجبرية الذين يقولون إن العباد ليس لهم أفعال وإنما هي أفعال الله يحركهم فيها تحرك الآلة ليس لهم إرادة ولا مشيئة فهم على النقيض من المعتزلة فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله وغلوا في نفي أفعال العباد وقالوا العباد ليس لهم أفعال فهم غلوا في إثبات وغلوا في نفي والقدرية والمعتزلة على العكس غلوا في إثبات أفعال العباد فهم على طرفي نقيض Donc le cheikh explique la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, il n'y a rien qui sort de sa volonté. Il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. C'est pas possible qu'il se passe quelque chose dans ce monde excepté par la volonté d'Allah. Quelque chose qui est kufr ou shirk, ou que ce soit de la foi, ou que ce soit une obéissance ou un péché, que ce soit de la richesse ou de la pauvreté, que ce soit de la vie ou de la mort, ou une subsistance ou autre chose, tout ce qui se produit dans l'univers, de bien ou de mal, c'est uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui sort de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. D'accord? Et donc, le cheikh il dit que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-mashi'ah, ou bien l'irada al-kawniya, ça c'est, tout ça c'est inclus là-dedans. Le bien, le mal, le bon, le mauvais, l'obéissance, la désobéissance, le kufr, le shirk et la foi. Toutes ces choses-là, ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle al-mashi'a, et ça rentre dans l'irada al-kawniya. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle l'irada al-kawniya. Donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est complète. Elle englobe tout ce qui se produit. C'est pas comme les kuffars qui pensent comme si, qui s'imaginent que quand ils font un péché, ils font du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils peuvent faire des choses à Allah subhanahu wa ta'ala, des ruses ou des complots contre Allah subhanahu wa ta'ala. Non. D'accord? Parce qu'il n'y a rien qui se produit dans l'univers excepté par sa volonté. Et même quand ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il le fasse. Mais irada kawniya, c'est une volonté dans le sens qu'il a créé, qu'il a prédestiné pour tester les hommes. Pas parce qu'il l'aime. Ça, il faut faire la distinction entre les deux. Donc, le cheikh, il explique ensuite. Il dit, contrairement à ce que les Mu'tazila, ils disent, les Qadariya, ceux qui nient la prédestination, ceux-là, ils disent que les êtres humains créent eux-mêmes leurs actions, indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a rien à faire, Allah ne fait rien là-dedans, n'a rien à voir là-dedans. Dans les actions des êtres humains. Ils disent que c'est les hommes qui créent leurs propres actions et en disant ça, c'est comme s'ils décrivaient Allah comme étant quelqu'un qui est incapable et faible. Ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala comme étant incapable et faible parce qu'ils croient qu'ils sont capables d'aller contre la puissance d'Allah et contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est comme s'ils le décrivent comme ayant de la faiblesse. Un être humain, par exemple, si, par exemple, un frère, n'importe qui, il dit, tu vas pas sortir d'ici. Et puis moi, je dis, par exemple, oui, je vais sortir. Et tu peux pas m'empêcher. Alors là, je vais sortir, je vais pousser la personne, puis je vais ouvrir la porte, je vais sortir. Parce que il est pas assez fort, par exemple, pour m'empêcher de sortir de la pièce. Mais si tu dis que l'être humain il fait des choses qui vont contre la puissance d'Allah, c'est comme si tu es en train de mettre Allah au niveau d'un être humain et de dire que tu es capable d'aller contre sa puissance et contre sa volonté. Et ça c'est ça que les Qadariya, les Mu'tazila sont en train de dire. Et à l'autre opposé de ceux-là, il y a les Jabriya. Les Jabriya eux, ils sont en train de dire le contraire. Ils disent que les êtres humains, ils n'ont aucune action à eux. Tout ce que les êtres humains font, c'est Allah qui le fait. Et Allah les manipule comme des instruments, comme des objets. Comme si on était une plume qui flotte dans le vent, qui se laisse pousser par l'air, hein, comme une girouette. Hein. Il n'a pas de volonté, il n'a pas de capacité. Hein. Donc, on ne doit pas, ils disent, on ne doit pas attribuer les actions qu'on fait à nous-mêmes. On doit les attribuer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui nous contrôle et qui nous dirige. Un peu comme le soleil et la lune, un peu comme les objets inertes, hein, comme les êtres non vivants. Donc, ils font pas de distinction entre les êtres humains et les objets et les choses. Donc, yes, sir. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? وعلى نقيدهم الجبرية يحركون كما تحرك الآلة وليس لهم إرادة ولا مشيئة وهم على النقيد من المعتزلة. Donc eux ils sont à l'opposé des معتزلة à ce sujet-là. Les معتزلة qui nient la prédestination, eux c'est le contraire. Ils affirment la prédestination mais ils exagèrent au point de nier à l'homme une volonté et une capacité d'agir. Donc le شيخ dit فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله. Hein, les Jabriya, eux, ils ont exagéré dans l'affirmation des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont exagéré dans la négation des actions des êtres humains. Et ils ont dit que les êtres humains n'ont aucune action pour eux-mêmes. Et que lorsqu'on attribue des actions aux êtres humains, il faut les attribuer d'une manière symbolique seulement. Symboliquement. Hein, comme on fait pour la lune et pour le soleil, ou bien pour les astres, ou bien pour les objets, pour les étoiles. Et on ne doit pas attribuer ces actions-là qui se produisent à ces choses-là, à ces créatures-là. Parce que c'est Allah qui les contrôle, elles n'ont pas de volonté, elles n'ont pas de capacité, rien. Elles sont créées par Allah, elles sont contrôlées par Allah. Hein. Contrairement aux êtres humains, Allah, il nous a créés. Il nous a créé, il a créé en nous une volonté, une force, une capacité de faire. Hein? Et ça, c'est affirmé dans le Coran, dans plusieurs versets. Qu'Allah, comme on va voir, Inch'Allah, si on a le temps, quelques instants. Donc, les Jabriya, ils ont exagéré dans l'affirmation des actions d'Allah et ils ont exagéré dans la négation des actions des êtres humains. Et ils ont dit l'être humain n'a aucune action à lui, réellement. Et ils ont exagéré dans l'affirmation et exagéré dans la négation, dans les deux. Tandis que les Qadariya, eux, et les Mu'tazila, c'est le contraire. Ils ont exagéré dans l'affirmation des actions des créations, des créatures. Ils ont exagéré dans l'affirmation des actions des hommes. Et au point de nier la volonté et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont à l'opposé des Jabriya. Et le Cheikh dit, وَأَمَّا أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ فَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ وَيُدَبِّرُ كَمَا يَشَاءُ وَكَمَا يُرِيدُ وَالْعِبَادُ لَهُمْ مَشِيئَةُ وَلَهُمْ إِرَادَةُ وَلَهُمْ اخْتِيَارُ يَفْعَلُونَ الْأَفْعَالَ بِاخْتِيَارِهِمْ وَمَشِيئَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ فَلَهُمْ مَشِيئَةٌ وَلَهُمْ إِرَادَةٌ لَا كَمَا تَقُولُهُ الْجَبْرِيَّةُ لا كما تقول لا كما تقوله الجهمية الجبرية ولكن مشيئتهم ليست مستقلة كما تقوله المعتزلة وهذا كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقوله وما تشاءون رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد وقوله إلا أن يشاء الله رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون إرادة الله ومشيئتهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. Donc le Cheikh il dit que les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah sont entre ces deux extrêmes là, comme on l'a expliqué au début de l'explication de cette aqida. Après, parce que tu viens d'arriver, donc laisse-moi juste expliquer ce passage-là. Après le cours, si tu as des commentaires ou des questions, on va clarifier, Inch'Allah. Mais, après que j'ai expliqué ça, Inch'Allah. Donc, le Cheikh, il dit, les gens de Ahl al-Sunnah, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée, et c'est lui qui donne la subsistance, et c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe dans l'univers. Comme il veut, hein, il fait tout ce qu'il veut, et c'est comme il veut que ça se produit. Et les êtres humains, eux aussi, ils ont une volonté. Et ils ont un choix. Hein, et ils font leurs actions selon leur choix, selon leur volonté. Hein? Donc ils ont une volonté, contrairement à ce que disent les Jabriya et les Jahmiya, et certains Soufiya également qui nient la volonté de l'être humain et sa capacité. Mais leur volonté, elle n'est pas indépendante complètement, contrairement à ce que disent les Mu'tazila. Ils ont une volonté, mais cette volonté-là, elle n'est pas complètement indépendante. Elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala explique dans le verset 29, dans surat al-Takwir. Il dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّا شَاءَ اللَّهِ. Et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah a voulu. Ok? Donc le chef il dit, وَمَا تَشَاءُونَ. Ça c'est une, et vous ne pouvez vouloir, hein? Ça c'est une réfutation des Jabriya. Parce qu'il y a dedans, l'affirmation de la volonté des êtres humains. Vous ne pouvez vouloir, ça réfute les Jabriya qui nient la volonté de l'être humain. Qui nient la volonté de l'être humain. Wa qawluhu illa an yasha Allah. Excepté si, et la suite du verset, excepté si Allah a voulu, ça c'est une réfutation des Mu'tazila et des Qadariya qui nient la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, dans ce sens-là, c'est une réfutation des, ce verset-là est une réfutation pour les deux. Pour les Jabriya et pour les Qadariya. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pouvez vouloir accepter si Allah a voulu le Seigneur des mondes. Et dans un, ça c'est le verset 29 dans Surat al-Takwil, et le verset 30 dans Surat al-Insan. Et vous ne pouvez vouloir accepter si Allah a voulu, et il est, Allah est certes omniscient et sage. Ensuite le cheikh il dit, وَالْعِقَابُ وَالثَّوَابُ إِنَّمَا عَلَىٰ أَفْعَالِ الْعِبَادِ التي فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم يعذبون على المعاصي لأنهم هم الذين فعلوا هذه الأشياء باختيارهم وكانوا يستطيعون تركها وتجنبها والابتعاد عنها وهم منهيون عنها فهم أقدموا عليها باختيارهم فيعذبون على هذا ولذلك الذي ليس لهم مشيئة ولا اختيار كالمجنون والصغير والنائم لا يؤاخذ لأنه ليس له مشيئة ولا إرادة أما العاقل البالغ فهذا يؤاخذ على أفعاله لأنه يستطيع الفعل والترك الله أعطاه الإمكانية ولهذا لهذا وهذا يستطيع يصل يستطيع يزني في آن واحد وهو يستطيع هذا وهذا فإن كف عن الزنا وأقام الصلاة آجره الله عز وجل وإن عكس وأتى الزنا وترك الصلاة عاقبه الله على أفعاله وعلى إرادته. Donc le chef il dit que la récompense et la punition et la récompense c'est uniquement pour les actions des serviteurs. Hein? Ceux qui ont fait l'action par leur volonté et par leur propre choix, ils seront punis pour leurs péchés. Pourquoi? Parce qu'ils les ont fait, ces choses-là, par leur propre décision et leur propre choix à eux. Ils étaient capables de ne pas le faire et de laisser tomber ces péchés-là et de s'en écarter. Et ils étaient interdits par Allah subhanahu wa ta'ala de faire ces péchés-là. فهم أقدموا عليها. Mais ils se sont précipités, ils se sont avancés vers ces péchés-là. Ok? Ils se sont avancés vers ces péchés-là par leur propre décision, leur propre choix, et donc ils seront punis pour ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que فَيُعَذَّبُونَ عَلَى هَذَا وَلِذَلِكَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ. Et donc là le chef il mentionne un point, en réalité c'est un point pour faire comprendre la question plus clairement, c'est que il dit le chef que celui qui n'a pas de raison et qui n'a pas de volonté, supposons par exemple quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui perd sa raison, qui devient fou, ou bien quelqu'un qui est trop petit, un bébé, ou bien quelqu'un qui dort, qui fait des choses pendant qu'il dort, il ne peut pas être tenu pour compte ou responsable de ses actes, du moment qu'il a perdu sa raison. C'est pour ça que quand quelqu'un est aliéné mental, ou quand il a des problèmes mentaux et qu'il fait un crime, il n'est pas reconnu comme étant un criminel, du moment qu'il est fou, puisqu'il ne sait même pas ce qu'il fait, il n'a pas de volonté. Et dans la loi islamique, c'est la même chose. Quand quelqu'un est fou, quand il n'a pas sa raison et qu'il fait un crime, qu'il fait quelque chose de haram, il n'est pas punissable pour ce péché-là, puisqu'il n'a pas de raison, il n'a pas de volonté. Hein? Donc ça, c'est la preuve que pour que quelqu'un soit responsable de ses gestes et de ses actes, et pour qu'il soit punissable, il faut qu'il ait sa raison. Et la capacité de choisir et de décider entre le bien et le mal. Et il ne faut pas qu'il soit un enfant non plus, bébé, parce que sinon il ne peut pas juger, il ne peut pas comprendre qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. La même chose pour quelqu'un qui est en train de dormir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là dans un hadith que les anges cessent d'écrire pour ces trois catégories de personnes-là. Celui qui est fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison, celui qui est enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Ok? Et donc le cheikh il dit que ces personnes-là qui sont dans ces trois catégories-là, ils ne sont pas tenus pour compte parce qu'ils n'ont pas de volonté quand ils font quelque chose. En ce qui concerne la personne qui est raisonnable et qui a atteint l'âge de la majorité, de la puberté, et qui comprend les choses, lui, il est responsable de ses gestes. Hein, parce que il est capable d'agir ou de ne pas agir. Il est capable de faire une action ou de ne pas le faire. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la capacité de faire quelque chose de mal ou de ne pas le faire. Et il est capable de prier comme il est capable de faire l'adultère ou la fornication, hein, en même temps, au même moment. Comme par exemple, à un certain moment, il a le choix de se retenir de faire le zina et d'établir la salah. Alors Allah va le récompenser. Sinon, au même moment, il peut choisir de faire le zina et d'abandonner la salah. Et là, il sera puni. Il sera puni pour avoir abandonné la prière et pour avoir ne pas avoir fait la prière et d'avoir fait ce péché-là. Il sera puni pour son action et pour sa volonté. Donc, ça c'est pour expliquer que l'être humain, il a sa responsabilité, et il a sa volonté, il a sa capacité. Contrairement à ce que disent les Jabri. Hein? Ensuite, le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ فِي الْعَالَمِ يَخْرُجُ عَنْ تَقْدِيرِهِ كل هذا رد على المعتزلة القدرية لا يصدر إلا عن تدبيره قال تعالى فعل لما يريد وقال إن الله يفعل ما يشاء وقال كذلك الله يفعل ما يشاء. Donc le chef il dit donc qu'il n'y a rien dans l'univers qui sort de son contrôle, qui sort de sa prédestination. Donc toute chose est créé par Allah subhanahu wa ta'ala et est contrôlé et ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui sort de son contrôle. Et ça, c'est une réfutation des Mu'tazila et des Qadariya qui nient la prédestination. Donc, il n'y a rien qui sort de son contrôle. Et il mentionne les versets. Fa'al lima yurid. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Donc, s'il y a quelque chose dans l'univers qui se passe, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Sinon, ce ne serait pas produit. Hein? Et il mentionne, ça c'est le verset 16 dans Surat al-Buruj, le verset 18 dans Surat al-Hajj, que Allah il fait ce qu'il veut, et le verset 40 dans Surat al-Imran, كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. C'est ainsi qu'Allah fait ce qu'il veut. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera la suite de ce sujet-là demain. On va rajouter encore d'autres points à ce sujet-là, puis on rentrera encore une fois dans un autre sujet qui est le sujet de l'Iman, hein, parce que le Cheikh il a expliqué encore d'autres détails par rapport à sa aqida, qui est la aqida de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, par rapport à l'Iman. Donc on a vu clairement, alhamdoulilah, dans les points qu'on a mentionnés, hein, beaucoup de clarifications au sujet de la aqida du Cheikh, hein, et qui nous montre clairement que, alhamdoulilah, عقيدة إلى عقيدة ديجان أهل السنة والجماعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.